picard.be. La première. Il est 16h. Pierre-Yves Magens avec vous, bonjour. Le verdict au procès de Bernard Westphal devrait tomber dans l'heure qui vient aux Assises de Mons. Les jurés se sont retirés à huis clos en matinée, juste avant le président de la Cour d'Assises a laissé la parole à l'accusé, avant de clôturer les débats. L'ancien parlementaire, avec beaucoup d'émotion dans la voix, en a profité pour répéter qu'il n'avait pas tué son épouse ce 31 octobre 2013 à l'hôtel Mondo à Ostende. L'ex-député sera donc fixé sur son sort avant la fin de la journée. Quand Charles Michel rappelle Peter de Crème à l'ordre, parti 6 semaines à Harvard pour étudier, il est prié de rentrer. Ça ne va pas, dit Charles Michel. Le Premier ministre s'exprimait tout à l'heure devant le Parlement. J'ai été effectivement informé que le secrétaire d'État Peter de Crème serait régulièrement aux États-Unis pendant quelques semaines dans le cadre d'un cursus en lien avec ses compétences. J'ai également compris qu'il avait adressé une lettre il y a 2 jours seulement au Parlement pour indiquer qu'il serait absent jusqu'au 27 octobre. Je pense que ça ne va pas et c'est la raison pour laquelle j'ai pris immédiatement contact avec lui quand j'étais informé de cette donnée afin de lui demander de rentrer. Et il sera présent, notamment avant la rentrée parlementaire. Je ne manquerai pas de rappeler à l'ensemble des membres du gouvernement leur devoir de disponibilité par rapport au Parlement. Je pense que les règles sont claires et si elles ne l'étaient pas, bien entendu, nous sommes disponibles dans le cadre de la conférence des présidents pour discuter avec le Parlement et tirer les conséquences de cette situation que je veux bien sûr regretter avec l'ensemble du Parlement. Un propos recueilli par Pierre Magos. Dans l'opposition, Laurette Onkelings et Christophe Calvo saluent l'intervention du Premier ministre. Peter de Crème devrait être de retour avant la rentrée parlementaire de mardi prochain. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes officiellement lancé, il remplace l'agence Frontex au niveau européen donc. Sa mission, c'est de mieux contrôler les confins de l'Union européenne, de gérer plus efficacement les flux migratoires. Alors justement, si des réfugiés arrivent par milliers sur les côtes européennes, c'est pour fuir la misère, mais aussi et peut-être surtout pour fuir la guerre. Guerre en Afghanistan, au Yémen, guerre avant tout en Syrie et en Irak. L'Irak où se prépare une grande offensive pour reprendre Mossoul, bastion du groupe terroriste État islamique, capitale autoproclamée aussi du califat. Cette offensive, elle se prépare non loin de là, dans la ville de Gayara, où se trouve notre confrère de Radio France, Philippe Randé. Lorsqu'un des grands généraux irakiens vient rendre visite à ses troupes sur le front, son véhicule blindé traverse le centre de Gayara au son de chants anti-Daesh. À côté des puits de pétrole toujours en feu que les djihadistes ont incendiés avant d'être chassés de la ville il y a quelques semaines, la base militaire de Gayara accueille les forces irakiennes mais aussi les Américains et les 4 canons César français. Gayara, endroit clé de la future offensive, comme un symbole, une radio, Radio Mossoul, qui émet sur Mossoul, vient d'ouvrir à Gayara pour donner des consignes aux centaines de milliers de civils bloqués là-bas. Le Premier ministre Haïdar Al-Abadi s'est en personne exprimé sur l'antenne. Nous vous demandons de collaborer avec vos fils, les soldats héroïques de l'armée irakienne, quelle que soit leur brigade. Nous allons vers une grande victoire et ce sera très prochainement, si Dieu le veut. L'offensive de Mossoul va impliquer une coalition de forces irakiennes très hétérogènes et parfois rivales, offensive qui pourrait déplacer jusqu'à 1 million de personnes, des civils qui pourraient être utilisés comme boucliers humains par les djihadistes. Ban Ki-moon considère Antonio Guterres comme un excellent choix pour lui succéder à l'ONU. Guterres a longtemps été haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés et selon l'actuel secrétaire général, il a montré une forte compassion pour les millions de gens forcés de quitter leur foyer. Son expérience passée de Premier ministre du Portugal, sa vaste connaissance des affaires mondiales et sa vive intelligence lui seront bien utiles pour diriger les Nations Unies dans une période cruciale. Fin de citation. Voilà qui referme ce journal. Belle fin de journée. Toute l'info est sur rtbf.be. Bonjour Walid. Bonjour Pierre-Yves, vous allez bien ? Bah oui, vous-même. Bien écoutez, on vous retrouve à 16h30, voire peut-être avant, voire peut-être avant 17h aussi pour un flash spécial concernant le verdict de l'affaire Bernard Westphal. En attendant, nous sommes presque sérieux, soit les bienvenus sur la première, c'est parti. Chez Cora, 20 euros d'achat égale 1 timbre. 25 timbres égale de 5 à 7 euros de réduction. Timbré, non ? Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Conditions en magasin. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid, jusqu'à 17h30. De toute façon, le panda, il est condamné, et tout le monde le sait. La seule chose qui lui sauve ses grosses fesses molles, c'est d'être le logo du WWF. Bah oui, parce qu'imaginez, plus de panda, il faut réimprimer 1 million de kawaii et autant de bagues. T'imagines le trou dans la caisse. Les douaniers serbes sont de fins limiers. C'est-à-dire? Ben, ils ont intercepté 500 kilos de gâteaux sucrés. Fallait même pas un chien renifleur, même l'autocar qui les transportait avait le diabète. Car si on calcule le QI d'un pauvre politicard trompé, je voudrais connaître celui de ceux qui ont permis le retour de Milquet. Ont permis le retour de Milquet. Il a développé une app. Pardon ? Il a développé une app. Une application. Une application. Terminez vos phrases. C'est ce que je dis à mes enfants. Parce qu'une belle nappe, c'est toujours bon. C'est vrai que Raoul, le jour où il développera une nappe, elle sera bien repassée. Voilà. Une info que les étudiants en médecine attendaient impatiemment. Maggie de Bloch peut bien être conservée hors du frigo pendant quelques heures. Alors maintenant qu'il y a prescription, je peux vous l'avouer, on avait un petit concours entre nous avec quelques-uns de mes camarades de classe. Concours qui consistait à avoir le moins de points possible en gym sans insulter le prof. Étant ceci dit, je l'ai tellement bien gagné ce concours qu'une année, je vous jure que c'est vrai, pour m'apprendre à faire le malin, le prof de gym m'a collé un examen de passage. Mais c'est vrai, vous avez vraiment eu un examen de passage. Absolument. À chaque année, Edgar est vrai parce que moi aussi j'ai eu un examen de passage. Et moi j'avais un autre truc, nous on faisait du volley, mais ouais. C'était en province. Ouais. Et il y a une année où je ne suis pas allé du tout, même pas au premier cours. C'est vrai. Donc, le prof même pas pour pas faire filet. Même pas. Je ne suis pas allé du tout et personne n'a jamais rien vu. Mes derniers examens de gymnastique, chez nous c'était mixte. À un moment je me suis avancée, je pense qu'il y avait 3 exercices à faire, j'ai choisi le plus simple, celui qui rapportait le moins de points. Le cumulé. Oui, j'ai fait le cumulé avant. Toute la classe s'est levée, m'a applaudi. 16h-17h30. Ne prenez pas la grosse tête, restez presque sérieux. Avec Walid. L'écolo Jean-Marc Nollet a rendu public un audit interne d'Electrabel qui montre que des plans ultra secrets de la centrale de Tihange sont disponibles sur le Darknet, l'Internet caché. Oui, en même temps, c'était écrit dans le cahier des charges d'Electrabel. Hein. Tout le monde, sans exception, doit être au courant. Donc forcément, voilà. Et eux, ils ont percé le secret de l'humour et ils vont faire péter l'audimètre. Ce sont vos décrypteurs de l'actu du jour. Si vous trouvez son tout nouvel humour quelque part sur le Darknet, eh bien merci de le contacter. L'adresse suivante, gildal@, mais non de Tchurson, ce que j'ai gardé, bordel.be. C'est Gildal qui est avec nous. Il est là sur le Darknet. Il est là. Lui, quand il était snul, au moins, c'est parce qu'il le faisait exprès. Et quel plaisir d'avoir avec nous Fred Janin. Presque Fred Janin. Tiens, une femme, c'est pas comme une centrale. À 40 ans, elle a encore plein de secrets. C'est Catherine Ronvaux qui est avec nous. Gentil. Ne le fais pas. Bonjour. Tiens, si vendre les plans des centrales, ça enrichit son uranium, alors il va peut-être se laisser tenter. C'est Vincent Flibustier. Bonjour. C'est moi qui les ai mis sur le dark. Merci, Vincent. Faut partager. Flibustier. Et puis lui, c'est notre Julien Astiange. Discrétion presque assurée avec Raoul Reyers. Bonjour. Dites ce dark machin là. Oui, ça a l'air bien. Ils vendent de la viande, des bonnes viandes. Ils font tout ce que vous voulez, Raoul. Tout ce que vous voulez, mais bon, il faut maîtriser un petit peu le web. Mais oui. Hein, merci Raoul d'être avec nous et merci à celle qui est muette. Oui, parce qu'on lui a confié le plan ultra secret de cette émission, on sait qu'elle est muette comme une carpe. Hein. C'est Carole Baquet. Hein, Carole, tu es muette, hein? Oui. Voilà, elle est muette, Carole. Non, hein, je disais bien. Voilà, elle est avec nous. C'est celle qui a préparé cette émission pour vous. Et puis, à la réalisation, le maître du son, c'est notre cher Laurent Nélissen. Vous l'avez compris, l'actualité, ce sont eux qui la font. C'est avec vous que nous en rions sur la première. Merci donc à vous d'être presque sérieux comme nos chroniqueurs. Bienvenue. C'est presque sérieux. C'est presque sérieux. Sur la première. On s'intéressera durant une heure et demie à l'actualité de ce 6 octobre. Et l'actualité est bien fournie, on peut le dire. Hein. Chargée. Catherine Fong qui souhaite un droit à la déconnexion. On en parlera avec Catherine Ronvaux. Fred Janin qui va tenter son parcours d'intégration au sein de l'équipe. Mais aujourd'hui. Oui, c'est difficile, hein, voilà. Tous ces gens, ouais. Si je ne connais pas. C'est bien noté, c'est bien écrit sur le site de M. Franken. Sur le Darknet sur le site de comment bien réussir sur l'intégration. Ah voilà. Voilà, ce très sera bien. Tout à l'heure avec ça vous. Et puis un nouveau jeu un nouveau avec jeu. Gildal. J'ai sorti du Darknet. Ah, je trouve ça génial. C'est l'indignaton. Absolument. Ah, c'est beau. Ah, ben, c'est à découvrir tout au long de cette émission. À découvrir et jouer avec nous également autour de l'actualité de ce 6 octobre. On retitrera cette information. Vous avez certainement vu passer cette info. Vous l'avez lue dans la presse du jour. L'Empiris. enfin racheté par Total. Valeur du rachat, 180 millions d'euros. Total donc a acheté l'Empiris pour ce montant. À vous de retitrer cette information sur le Facebook de l'émission. C'est presque sérieux, vous retitrerez également cette information. Il y a des cadeaux également à la clé sur la page Facebook de l'émission. Des Time's Up dans sa version Family. Toute nouvelle boîte, tout nouveau mot à deviner. Une boîte totalement relookée, plus compacte, super solide. Donc faites-vous plaisir, ça c'est sur la page Facebook. Et puis cette boîte, on vous l'offre sans plus attendre. Si vous vous inscrivez en envoyant ces trois lettres, CPS, au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Vous venez jouer avec nous au qui a dit une phrase extraite d'un quotidien. Cette phrase, je vous la donne tout de suite. Vous ferez bien entendu des propositions dans un instant à un de nos auditeurs, auditrices, qui aurait pu dire « je voudrais qu'il soit davantage activé ». Alors, je voudrais qu'il soit davantage activé, c'est la phrase du jour avec laquelle nous jouerons tout à l'heure. Mais à 16h10, presque 11, place à la une du jour. C'est la une. Et sans plus attendre, nous allons nous connecter à notre ordinateur spécial qui va vous proposer le nom de quelqu'un qui fait parler de lui dans la presse. À vous de déterminer qui est cette personnalité. J'espère que vous avez bien entendu les informations de Pierre-Yves Muggens parce qu'il y a un nom, et je pense que c'est même le premier, qui va vous parler. Écoutez. Oh, super entendu. On se connecte. Attention. Une phrase va défiler sur cet écran. Antonio Guterres. Veuillez répéter. Antonio Guterres. Antonio Guterres. Oui, c'est le portugais. Ah, c'est portugais. Alors, qui est-il? Mais c'est un portugais. Oui, ça c'est un portugais. Est-ce que c'est le nom sous lequel on le connaît ou est-ce qu'en fait il est connu sous un autre nom? Non. C'est son nom de scène. C'est son nom de scène. Il fait des claquettes. Bientôt faire des claquettes à New York. C'est pas un syndicaliste. C'est pas un syndicaliste. Je le savais. Alors, donc c'est pas le vrai nom de quelqu'un qu'on connaît sous son pseudo. Non. Vous avez entendu. Là, je vais vous donner un autre indice. Ah. C'est la dernière info de Pierre-Yves Muggens. Je vous ai vu rentrer dans le studio. Je me dis, est-ce qu'ils vont l'entendre ou pas? Mais non, on se concentre. C'est un nouveau secrétaire. Ça a pris Nobel. Je ne sais pas exactement. Je décroche. Alors, nouveau secrétaire, mais de quoi? Une place importante de l'Europe ou de. Arrêtez l'accent en portugais. C'est un peu gênant, mais surtout pour les Portugais. Oui. Alors, quelques blagues sur l'épilation. Bon, alors, Antonio Guterres, effectivement, c'est qui un secrétaire. Qui va remplacer Ban Ki-moon. Bravo, mais Gildal, effectivement. Mais toi, tu lis la presse. Portugais. Non, j'écoute Pierre-Yves Muggens. Antonio Guterres, presque assuré de devenir le nouveau chef de l'ONU. L'ex-premier ministre portugais, Antonio Guterres, est donc assuré de succéder à Ban Ki-moon comme secrétaire général de l'ONU après un vote informel du Conseil de sécurité hier et pourrait donc être élu aujourd'hui selon l'ambassadeur russe Vitali Tchourkin. Ce dernier, qui dirige d'ailleurs le Conseil de sécurité en ce mois d'octobre, a déclaré à des reporters à l'issue du vote que M. Guterres était clairement le favori. Ah, ouais, parce que c'est un choix de paye. Et oui, parce et donc, qu'il a payé. Et donc un vote formel du Conseil aujourd'hui pour confirmer le choix du candidat, ajoutant qu'il s'attendait à ce que la sélection se fasse par acclamation. Non. Est-ce qu'il a une bonne tête? Il a une bonne tête. Google Images. Il y a une fumée blanche, fumée. Alors, à votre avis, comment on écrit ça, goût? Les membres permanents du Conseil de l'ONU, ils sont combien à voter en tout? 12. Non. C'est plus pas de sécurité, c'est le Conseil de l'ONU. C'est le Conseil de l'ONU. Et alors, c'est tous les pays. Trois. Non, c'est les membres. C'est les membres permanents. Oui. Ils sont moins qu'on ne le croit. C'est effectivement. Pas un par pays, 193. Non, absolument mais pas. Si c'est du 8. Conseil de sécurité, ils sont 5. C'est 5. 5, Vincent Philippe. C'est du Conseil de sécurité. Et des mieux. Alors, Royaume-Uni, États-Unis, Russie, Chine et France, qui disposent donc d'un droit de veto, ont voté donc avec des bulletins de couleurs différentes. C'est le club des cinq. Donc voilà, on embrasse M. Guterres, bien sûr. Dites, et le russe, comment est-ce qu'il s'appelle encore? Il s'appelle Vitali Tchourkin. Dites-y, ça, c'est pas un pseudo. Donc, une organisation internationale fondée en 1945, l'ONU, vous le savez. Aujourd'hui, elle compte 193 États membres. La mission et le travail des Nations Unies sont donc guidés par des objectifs et des principes énoncés par sa charte, une charte fondatrice. Et l'expression Nations Unies, elle a été suggérée par qui, à votre avis? Churchill. Non, pas Churchill. Mais oui, celui-là de... Allez, Roosevelt. On a une avenue, effectivement, Roosevelt, qui fut utilisée pour la première fois dans la déclaration des Nations Unies du 1er janvier 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale. La Belgique, elle a été admise à l'ONU en 1945, le 27 décembre. Et il existe également un siège de l'ONU à Nairobi, si vous voulez y aller, pourquoi pas, à l'occasion de faire une petite visite. C'est chaud, hein. Alors, deuxième personnalité que notre ordinateur va vous proposer un nom à vous déterminer ce qu'il a fait dans l'actualité de ce 6 octobre. Ordinateur, c'est à vous. Qui est qui ? Attention, une phrase va défiler sur cet écran. Kastenspoir. Chaque fois, il y a tout le... Kastenspoir. Alors, Kastenspoir. Alors, il s'appelle... étranger. Il s'appelle Kastenspoir. Kastenspoir. Je le fais... C'est un nom ? C'est un nom, c'est un Kastenspoir. Ouais. C'est quelqu'un ? C'est pas un magasin de sport. Bien de chez Kastenspoir. Kastenspoir, on fait des karting. C'est quelqu'un du Nord. Karsten, c'est un prénom danois, non ? C'est pas un prénom danois. Suédois. C'est pas suédois, non. Norvégien. Non, c'est pas norvégien. Du Nord. On en parle parce qu'il a un intérêt quelque part en Belgique aujourd'hui. C'est un Allemand ? C'est un Allemand. Racheté Caterpillar. Non. C'est pas un mec qui a racheté un truc chez nous ? Oui. Qui est un ancien suisse. Qu'est-ce qu'il y a à vendre ? C'est l'Atomium. Il a racheté l'Atomium. C'est ça, hein ? Non, ça, boule. Non, c'est pas ça. Oh. Alors, Kastenspoir. Mmh. Un Allemand. Il fait du sport. Un Allemand. Alors, c'est une marque de tuning. Une société qui a été Il a racheté rachetée. La communauté germanophone. Non, une société récemment, ça a été racheté cette semaine. C'est qui ? Ah, la Lufthansa. La Lufthansa, effectivement. Le patron de la compagnie Lufthansa n'est pas en mesure aujourd'hui de garantir l'emploi au sein de Brussels Airlines. En tout cas, après le rachat de la compagnie, le CEO a également annoncé qu'il ne pouvait pas garantir des emplois et que la compagnie Brussels Airlines allait changer de nom. Oh. Ah ouais. Vous avez imaginé ça, Ben. Ça va s'appeler Germanwings. Oh, ça il déclare toujours ça après avoir acheté. Ah oui, mais au fond, l'emploi, je ne vous ai pas dit, mais je ne suis pas sûr que... que ça va être garanti. Mais donc voilà, ça fait flipper à deux raisons. C'est-à-dire qu'on va perdre une marque sur laquelle on était très attaché. Brussels Airlines, c'est fini. Mais on aura une nouvelle marque à laquelle il faudra s'habituer. Mais... Surtout que ça leur a coûté 2,6 millions, vous rigolez, c'est même pas la maison Didier Renders à Uccle. Vous imaginez, le logo, poubelle, le nom, poubelle, les employés. Pour les graphistes. Poubelle. Si vous deviez proposer un nouveau nom, tous les costumes pour, j'ai pas préparé. On approche, je suis mauvais. Hein. un nom pour. À mon avis, ça va être un truc pourri, comme apparemment on l'entend dans les pubs, Jeter est devenu Yuhu ou un truc comme ça, on sait même pas. Tui. Ça s'écrit comment ? T-U-I. Ah oui, ok. Oui. Parce que quand on l'entend à la radio, c'est Teuil, pas du tout... en flamand. Jeter, c'était plus facile. Ouais, mais ça s'appellerait oui, comment pour vous ? Allez, Raoul, c'est pour asiatique. Vous. Si à quoi le truc allemand ? Oui. La Luftwaffe. Ils vont reprendre Jeter, parce que c'est libre maintenant. Catherine Renvaux. Jeter. Ah oui, ok, d'accord. Teuil, c'est bien. Flamand plus. Teuil, c'est bien. Ok, parfait. Ben, merci pour vous. N'hésitez pas à partager cette actualité avec nous sur la page Facebook. Retitrez cette information. Proposez un nom à monsieur Kastenspoir sur la page Facebook. Facebook de l'émission concernant donc, le rachat de la Lufthansa par SMS. Ça tombe bien, vous le dites, Gildel. On va jouer avec le qui a dit du jour, quelqu'un qui aurait pu prononcer cette phrase, qui aurait pu dire « Je voudrais qu'il soit davantage activé ». Ah ah. Facile. On ferait des propositions dans un instant à l'un de nos auditeurs, auditrices. N'hésitez pas, où vous vous inscrivez, où vous soyez dans notre beau royaume, en voiture, au travail, à la maison, en envoyant simplement ces trois lettres, CPS, au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. On vous offre bien le Time's Up dans sa version family, tout nouveau jeu, dans un tout nouvel écran, tout beau, tout chaud. Encore plus nouveau. Il va arriver chez vous, donc n'hésitez pas, venez jouer avec nous presque sérieusement. Et une information que nous retitrerons tout à l'heure, il s'agit bien du rachat de l'Empire par Total, 180 millions d'euros. C'est pas rien, ça sera après 17h et on vous laisse donc un bon trois quarts d'heure pour nous proposer un retitrage de cette information. En attendant, nous, on va s'intéresser eh bien, à Catherine Fonck. Catherine Fonck qui souhaite un droit à la déconnexion. On en parle tout de suite sur la première avec une autre Catherine, Catherine Renvaux. L'intelligence collective, c'est l'humain au cœur de l'entreprise, bien sûr. Mais l'humain, qu'est-ce qu'on en faisait avant ? Où était-il ? T'as pas vu l'humain ? Ah ! Non, c'est des pions. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Découvrez aussi les vérandas en aluminium de Sapa. Demandez maintenant un devis auprès d'un homme de métier à l'USAPA et gagnez une pendaison de crémaillère. Plus d'infos sur sapachassis.be. Du 3 au 22 octobre, c'est les prix Qualité Pro spécial isolation chez Tout Faire Matériaux. En ce moment, la plaque de plâtre 2,60 m, 2 bords amincis, épaisseur 9,5 mm est à 2,39 € le mètre carré. Alors profitez-en. Gagnez en savoir-faire. 2,39 € le mètre carré, soit 3,73 € la plaque largeur 60 cm, 7,46 € largeur 120 cm. Le Brabant Wallon présente le livre tout proche, à la rencontre des auteurs du Brabant Wallon. Au programme, rencontres, dédicaces et animations pour petits et grands, ce dimanche 16 octobre, de 12h à 18h, au Château de la Hulpe. Entrée gratuite au salon et à la Fondation Follon. Info, brabantwallon.be. Cuisine Xina. Qu'est-ce qu'écoute un conseiller Xina? De la musique qui fait rêver? Non, il vous écoute parler de votre rêve et de votre budget. Cet automne, Xina vous propose des cuisines 5 étoiles et leur promo 5 étoiles. Ne les manquez pas. Conditions sur Xina.be, c'est bien pensé. Une concession automobile qui offre 3 ans de garantie et lave gratuitement votre voiture? Non, vous ne rêvez pas. Chez Land Rover Dragon Boss, à l'achat d'une Land Rover de stock, vous recevez 3 ans de garantie, plus 3 ans de garouage gratuit. Découvrez notre vaste assortiment de modèles en stock chez Land Rover Dragon Boss. Offre valable également chez Land Rover Brussels à Zaventem et Waterloo. Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verre basique inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur pearl.be. La première. Mobile Info. 16h20, c'est l'heure de retrouver Laurent Deboeuf. Bonjour Laurent. Bonjour Walid. Oula, quelle voix! Là, là, là, là, là, là, là, là, là, on dirait Pierre Collard-Bovier en plus jeune. Exagérons bien. Alors Laurent, dites-nous un petit peu, que se passe-t-il sur nos routes? Bah écoutez, on peut dire que ça se passe pas trop mal dans l'ensemble puisque c'est assez calme et l'accident que j'annonçais tout à l'heure dans l'échangeur du Carrefour Léonard a été dégagé. Donc les fils se sont résorbés, en tout cas à cet endroit. Par contre, des fils, il y en a évidemment sur ce ring à cette heure-ci. Et côté temps de parcours, comptez grosso modo en intérieur entre Zaventem et Carrefour Léonard, 33 minutes supplémentaires. En extérieur, sur le même tronçon, 19 minutes. En intérieur, de nouveau, entre Grand Bigard et Zaventem, 17 minutes. Et en extérieur, Grand Bigard ou Ittre, 9 minutes. Et pour le reste, simplement les ralentissements habituels sur la petite ceinture de la capitale et de sur ses grands axes, évidemment. La petite ceinture qui est encombrée tant vers Kuckelberg que vers le midi. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première avec Walid, c'est presque sérieux. Et ils sont presque sérieux en ce jeudi. Ah, déjà presque la fin de la semaine. Ah, voilà. Ah oui, c'est vrai. Le temps passe vite. Ça va d'un gars. Ils sont là, vous l'avez entendu, Fred Jeannin, qui nous fait le plaisir de, de nous accompagner. Oui, j'ai peur. Mais non. Non, voilà. Vous êtes fort gentil. Il a repris le train en marche. Catherine Ronvaux est avec nous. Il y a Gilles Dalle, il y a Vincent Flibustier, Raoul Reher. C'est Catherine Ronvaux, justement. Parlons de ce droit à la déconnexion. C'est le sujet lourd et passionnant que Catherine, une autre Catherine, Catherine Fonck a choisi aujourd'hui de développer parmi une kyrielle de bonnes nouvelles qui s'égrène en cette fin de semaine. Et oui, c'est bon la vie. Et en plus, on nous annonce donc un week-end des bonnes affaires. Le dénouement dans le procès Secret Story Westphal, cette émission de télé-réalité qui nous a tenus en haleine de bouc durant tout le mois de septembre, avec des tas de rebonds vomissements versés au dossier. Une émission qui prend fin parce qu'il en faut une, mais qu'on espère quand même une deuxième saison. Ah, il y aura un appel. Bah oui, j'espère, sinon c'est pas du jeu. Et la deuxième bonne affaire, on nous annonce donc une réduction de 50%, mesdames et messieurs, je dis bien 50%, sur tous les bombardements sur la ville d'Alep en Syrie. Si ça, c'est pas plus belle la vie. Déjà les soldes. Oui, mais j'entends crétins qui murmurent 50% de rabais, c'est bien, mais si pendant ce temps-là, ils en profitent pour venir chez nous avec leur croûte et leur misère, merci. Ne vous en faites pas, les réfugiés qui arrivent en Belgique, ils vont tous à Anvers, s'il paraît. Là, on peut les traiter comme du bétail pour faire du travail de porc, enfin dans les porcs, enfin bref. Mais ce qui était chouette ce matin, c'est d'entendre que les ministres, les députés, malgré tout ce qu'on en pense, ils pensent à nous. Ils ont des idées. D'ailleurs, pour ne prendre qu'un exemple, prenons Catherine Fonck, c'est une femme d'action qui fonce droit au but, qui prend les choses en main, les lampes de poche manuelles et tout. Ah, c'est bon, elle l'a dit après coup que ça lui a coupé les jambes, cette histoire. Ah, c'est peut-être le moment de faire un peu de pub pour Cap 48. Ça va. Ah non, c'est pas celle-là pour Cap 48, pardon. Des spots par-ci, des spots par-là, on a du mal à s'en libérer de la publicité. Hein. Bon, bref, ce matin, Catherine Fonck révèle ceci. Quand vous recevez un mail à minuit, certaines personnes laissent ça pour le lendemain. D'autres se disent, oh, j'ai une pression, je suis obligée, autrement je vais être sanctionnée, d'y répondre tout de suite. Je pense que c'est important de prévoir des garde-fous et d'amener les entreprises à y réfléchir. Vous ne trouvez pas qu'elle a un petit côté Laurence Bibeau? Je pense que c'est important de prévoir des garde-fous, j'aime bien. Mais elle a raison, c'est choquant. Quand on reçoit un mail à minuit, la première chose à faire... Bah, c'est d'y répondre. Bah non, c'est d'aller se coucher plus tôt. Voilà. Mais Catherine Fong va plus loin. Elle dit que les entreprises doivent prendre du temps pour en discuter de l'hyperconnectivité des employés. Il faut prendre du temps pour savoir à quel moment on peut en prendre pour soi du temps. Oui. Là, je me tourne vers Maître Gilles. Est-ce que prendre du temps pour en gagner n'est pas, à un moment donné, une perte de temps ? Si. Ah, ça n'a l'air de rien. Mais ce sont des questions existentielles importantes. Dois-je répondre à un mail professionnel après minuit ? Quelle profession ai-je si j'y réponds ? Si mon supérieur appelle à 2h du matin, dois-je rester poli ? Évidemment, tout ça est encore au stade de projet et il n'est pas encore défini si ces discussions au sein des entreprises auront lieu pendant les heures de travail ou bénévolement le week-end, ça, c'est autre chose. Ensuite, elle va plus loin, elle dit ceci. Après les exemples de bonnes pratiques, ils existent. Il y a toute une série d'entreprises à l'étranger, BMW, AXA en France, pour ne prendre que deux exemples, qui ont en fait d'elles-mêmes décidé de mettre en place une série de dispositions pour bien baliser les choses et pour avoir des garde-fous. Ah oui. Je me demande si le son mot des fiels, c'était pas garde-fou. Garde-fou. C'était déjà deux fois. Moi, j'ai promis que je placerai Gorgonzola dans ma chronique, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Donc, elle donne deux super exemples d'excellentes sociétés qui ont déjà réfléchi à tout ça. BMW et AXA. Alors, répondez surtout aux mails de AXA, hein, parce qu'en général, on ne sait jamais si c'est pour vous garder ou pour vous dire merci, au revoir. C'est vrai aussi. Pour ne citer que deux, dit-elle. Oh, ça fait super sérieux. Moi, c'est bien simple. J'ai écrit tout de suite. J'ai aussi pensé que sur sa feuille, elle avait mis aussi ING, mais qu'elle a préféré la jouer binaire. Deux exemples, point barre. En tout cas, si eux l'ont fait, c'est vraiment important. Donc, on doit le faire. Mais là, je me retourne encore vers Maître Gilles. Si eux l'ont fait, est-ce une bonne idée de prendre les leurs ou mieux vaut tout refaire, quitte à avoir les mêmes queues d'idées ? Je ne peux pas me prononcer sur la question. Voilà. Oui, après avoir écouté l'interview de Catherine Fonck, je me suis posé beaucoup de questions sur le rôle des politiques, leurs devoirs, leurs obligations, leurs raisons d'être, leurs objectifs. Et qu'est-ce qui les pousse à poser des chartes de bonnes pratiques ou à défendre le droit à la déconnexion comme s'il s'agissait d'un sujet vital ? Je me suis interrogée alors et je me suis dit que si déconnexion était un dérivé de conneries, alors je voterais pour et que si on pouvait le mettre en place au plus tôt, ce droit, ben, ce serait pas plus mal. Eh ben ouais, vous avez raison. J'aime bien Catherine Fonck, je la trouve séduisante. Oui. Ah oui, elle est séduisante. Je trouve qu'elle a un petit quelque chose. Quelque chose. Elle a quelque chose. Qui est un petit quelque chose. Moi, je la regarde, je me dis les yeux fermés. Les yeux fermés, quoi. Deux fois un garde-fou. Goujaterie. Non mais voilà, merci Catherine en tout cas pour cette information, effectivement, sur la déconnexion très difficile, c'est une drogue. Hein. Une fois qu'on a commencé, c'est fini. Tu mets sur silencieux à 8h. C'est possible d'arrêter de m'inonder de mails. Oui, on va arrêter. Par contre, on va poursuivre avec Raoul Reyer sans plus attendre. Parce qu'il reste quand même 7 secondes. Oui, en 7 secondes. Tout donné. Allez, attention, c'est parti. Raoul, ça fait du bien. Mon cher Raoul, nous sommes aujourd'hui ici réunis. Voilà, vous voulez que je peux y aller parce qu'on n'avait plus que 7 secondes. C'était bien. Quelle belle entrée en matière. Non, je ne vous présente pas la Compagnie de Jésus. Vous savez tous que c'est l'ordre des Jésuites. Ouais. Eh bien, ils préparent leur prochain conclave qu'on pourrait appeler conclave et chuchotement. Le Ignace de Loyola Boys Band doit trouver un nouveau chef, l'actuel allant sur ses 80 ans. Et donc, ils sont 252 et ne pourront chuchoter que deux par deux. Donc, ça devrait donner ceci. Ça va, toi ? Oui. Marcel ? Oui, ça va. Et toi, frère Roger, tu vas bien ? Toujours ma sciatique, mais sinon, et toi, José, ça va ? Ma femme, ma servante m'a quitté. En fait, rien que pour se saluer, ils vont mettre une demi-journée. Donc, le conclave va durer 4 jours. Ah oui, c'est pas mal. Et je vous assure, ils ne peuvent... Ils ne peuvent chuchoter. Deux par deux. On pourrait faire une émission chuchotant. Oui, ça serait bien. Ça nous ferait des vacances. Alors, dans un instant, vous avez rendez-vous avec des informations. Super. Muggins, normalement, il y a un dénouement à l'affaire. Ah, c'est dingue. Jouer des sur la première. Ouais. Et dans la suite, on jouera avec... Et sinon, l'affaire Westphal, toujours massiatique. Je lisais, et on joue au qui a dit, je voudrais qu'il soit davantage activé. À vous de vous activer, justement. SMS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Vous envoyez le code CPS pour repartir avec le jeu Time's Up dans sa version Family. Le qui a dit et les infos, c'est tout de suite sur la première. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il n'y a pas longtemps. Et c'est parti, salut. C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif, magnifique. D'ailleurs, tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va. Allez, c'est vrai quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors t'appelles Primagaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200 euros et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où vous le voulez. Non mais tu l'entends l'autre là? Il fait que rigoler! Lui aussi doit rouler en Skoda. On est toujours plus détendu que les autres. On se sent beaucoup plus détendu quand on roule en Skoda. Skoda offre 2 ans d'entretien et de réparation gratuit à la signature d'un contrat WeCare de 3 ans. Profitez aussi d'une Skoda Fabia à partir de 8 750 euros, prime de recyclage déjà déduite. Pour des offres complètement détendues, ne cherchez pas, c'est chez Skoda. Offre soumise à condition, plus d'infos sur skoda.be. La première et la 3 présentes. Ils se cognent comme des insectes aux vitres de leur existence. Vanya. Un Tchekhov drôle et fougueux mis en scène par Christophe Sermet. Prix de la critique 2015, meilleur spectacle. Au Rideau jusqu'au 15 octobre. Info, rideaudebruxelles.be. Avec le soutien du journal Le Soir. Vous entendez ? La fête continue pour les 25 ans d'Intermarché. Encore 4 semaines de produits gratuits et de super promos. Comme le fromage à raclette, le pays fromager, le jambon de Savoie, le galibier à moins 50%. Intermarché, depuis 25 ans, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés, horaire en magasin. Votre jardinerie pépinière Le Longfond. Pépinière Le Longfond. C'est 750 mètres carrés couverts pour vos plantes, décorations, meubles de jardin et produits du terroir. C'est vendredi, samedi et dimanche. Profitez de nos actions portes ouvertes. Le Longfond, chaussée de Bruxelles, à 500 mètres du château de la Hulpe. Pépinière Le Longfond. Cette semaine avec Femmes d'aujourd'hui, le magazine Délices et ses recettes pour revisiter notre terroir. La cuisine belge comme on l'aime. Avec Femmes d'aujourd'hui, tellement nous. La première. 16h31. Pour vous informer, Pierre-Yves Meugens, bonjour. Bonjour, l'attente aux assises de Mons. Le verdict devrait tomber d'un moment à l'autre au procès de Bernard Westphal. 12e et peut-être dernier jour donc du procès devant la cour d'assises. Tout dépendra du verdict qu'émettront les 12 jurés concernant la culpabilité ou non de l'ex-député wallon dans la mort de son épouse Véronique Pirotton. Ça ne va pas, s'indigne Charles Michel devant les députés. Il somme Peter de Crème de rentrer. Le studieux secrétaire d'État fait sa valise. Peter de Crème est parti suivre une formation aux États-Unis à Harvard. Il paye la coûteuse formation, mais continue de percevoir son salaire de secrétaire d'État. Charles Michel en profite pour rappeler aux membres de son gouvernement qu'ils doivent rester disponibles, notamment pour le Parlement. Plus de 2 millions d'Américains se mettent d'évacuer à l'approche du dévastateur ouragan Matthew. Il a fait 69 morts, 65 rien qu'en Haïti. L'ouragan doit s'abattre maintenant sur la Floride. La nuit prochaine, ces vents pourraient souffler jusqu'à 240 km/h en Floride, en Géorgie et en Caroline du Nord et du Sud. Lever le secret professionnel pour les CPAS. Pour lutter contre la menace terroriste, la majorité veut obliger les CPAS à collaborer avec la justice. C'est ce qui fait débat à 17h45 dans Soir Première. Arnaud Reussen reçoit Luc Van Dorma, le président de la Fédération des CPAS, et Philippe Goffin, député et maire au Parlement fédéral. Merci Pierre-Yves. Je rappelle que le verdict du procès Westphal tombera dans un instant et que nous aurons l'occasion de le découvrir avec vous sans problème. Et dans la suite, on poursuit cette aventure presque sérieuse avec le retour des infos, forcément tout à l'heure à 17h. Mais avant cela, restons presque sérieux. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Direction Mont-sur-Marchienne avec Hervé qui est avec nous. Bonjour Hervé. Bonjour Walid. Vous allez bien mon cher Hervé? Oui, très bien, ça va. Vous êtes contrôleur? Non. Enfin, oui et non. Je suis employé dans une société pharmaceutique et je travaille dans le contrôle qualité. Ah, la pharmacie. Bon médicament, ça Bayer, oui. Bayer et compagnie, quoi. Tutti quanti. Vous faites aussi de l'engrais? Non. Mon cher Hervé, non, c'est pas celle-là. On va vous proposer un Time's Up dans la version et dans sa version family. Et nous allons vous faire des propositions par rapport à une phrase qui a été prononcée aujourd'hui dans la presse. À vous de déterminer, d'après les propositions que nos chroniqueurs du jour vont vous faire, qui aurait pu dire « Je voudrais qu'il soit davantage activé ». Gilles Dalle. C'est la présidente de l'OpenVLD, Gwendoline Rutten, qui veut donc moins d'allocations pour les chômeurs aisés. Vous dites, c'est drôle. Vous dites comment? Chômeurs aisés. Gwendoline Rutten. Ok, Gwendoline Rutten. C'est la sœur de Renaud, Rutten. C'est une cousine vague. Éloigne, une belle cousine. Oui. On va demander à Fred Janin. Je voudrais qu'il soit davantage activé. Alors, il s'agit du chef de gare de la gare de Midi, hier, Jo Verkrucht. Et c'est en rapport aux explosifs, évidemment, dans les gares et aéroports. Jo Verkrucht. Oui. Parce qu'il y avait des... Hein, y a, ah oui, une alerte à la bombe, mais... mais on l'a apparemment, pas trop. Elle n'était pas activée, apparemment. Ah oui, je voudrais qu'il soit davantage activé. Ok. Dispositif. Dispositif. C'est pour partir à la pension. Ben oui, bien sûr. On va demander à Raoul Reyers. Je voudrais qu'il soit davantage activé. C'est une phrase qu'on ne comprend pas bien. Hein. Donc on imagine effectivement que c'est un néerlandophone qui l'a dit. Et c'est Jo Cornu. En parlant des travaux du RER Wallon, il souhaiterait que ces gros Wallons s'activent un peu pour achever les travaux de leur RER. Je voudrais qu'ils soient davantage activés. Vincent Flibustier. Ben, c'est une petite faute de français de Bart de Wever qui voulait en fait dire « je voudrais qu'ils soient plus actifs ». Il parlait évidemment de Peter de Crème. Peter de Crème, donc c'est Bart de Wever. Je ne peux rien dire, mais je pense que c'est un flamand, la réponse. Bart de Wever pour Vincent Flibustier. Et enfin, Catherine Ronvaux. Je voudrais qu'il soit davantage activé. Activé, mais fulgure au point, dit Goldorak. Vous avez pas reçu un mail hier soir? Elle s'est remise à fumer. Ah, ok, ça doit être ça. Goldorak. Mais Goldorak. Lequel? Comment il s'appelle encore? Johan Goldorak. Goldorak. Johan. Actarus. Actarus. Ah, oui, bien sûr. Le prince de. Que de digression. Le prince de. De choses, là. Je me demande si on ne part pas en impro. On va demander. Tout est écrit, hein, pour les gens qui écoutent. Le prince de quoi? De ténèbres, non. On va demander à Hervé. Vous savez, le Actarus, prince de c'est le prince de quoi? Depuis longtemps. Vous savez? Non. Non. Encore non. Là, Hervé? Non, vous ne savez pas. Oui, je suis là, mais non, je ne sais pas. Je ne suis pas fan de Goldorak. En général, c'est la moins qu'on casse. C'est le prince. Eh bien, je vous le dirai à 17h30. Envoyez des SMS. Je le dirai à 17h30. On vous a fait des propositions. Gwendoline Rutten, Jo Verkrucht, Jo Cornu, Bart de Wever ou Goldorak. Je voudrais qu'il soit davantage activé. Vous savez quoi, Hervé? Non. On va vous laisser réfléchir exactement 3 minutes. Le temps pour nous vous annoncer le verdicte du procès. Bernard Westphal dans ce flash spécial qui vous est proposé par notre chère Pierre-Yves Meugens. Les 12 jurés ont donc rendu leur verdict aux assises de Mons dans le procès de Bernard Westphal. Après délibération, ils ont estimé au regard des éléments dont ils disposaient que Bernard Westphal est non coupable, n'est pas coupable de la mort de sa femme Véronique Piroton le 31 octobre 2013 dans un hôtel à Ostende. On aura l'occasion d'y revenir largement dans le journal de 17h et dans Soir Première avec Arnaud Reussen. Voilà, non coupable à 16h presque 37. Le verdict est tombé. La première qui vous informe et on y reviendra bien entendu tout à l'heure avec Diane Burgel-Vernet. Tout à l'heure, en attendant, on revient avec Hervé. Hervé qui est toujours avec nous. Hervé, je voudrais qu'il soit davantage activé. On vous a laissé le temps de réfléchir. Je vous rappelle les propositions. Gwendoline Rutten. Jo Verkrucht. Verdict. Verkrucht. Non, verdict, non, c'est Verdouf. Jo Cornu. Bart de Wever ou l'improbable Goldorak, prince de quoi? Des Asturies. Prince de Lu, j'ai entendu. Non, pas ça. Alors, à votre avis? Je vais éliminer Goldorak. Hein. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais je l'attends pas celle-là. Bah, vous avez raison. Je vais éliminer aussi Bart de Wever de la NVA. Ok. Et Jo Cornu également. Ok, il en reste deux. Et la SNCB, je ne pense pas qu'il souhaiterait que les bombes soient plus souvent activées, donc je vais prendre la hypothèse. Première. Gwendoline Rutten, par déduction, effectivement, vous avez le flair, mon cher Hervé de Mont-sur-Marchienne. Je voudrais qu'il soit davantage activé. C'est la présidente de l'OpenVLD, Gwendoline Rutten, qui veut donc moins d'allocations pour les chômeurs aisés. Activés, c'est comme ça que ça a été traduit dans le journal du Vif ce matin. C'est comme ça qu'on l'a découvert. Le gouvernement Michel est à la recherche, je vous rappelle, de 4,2 milliards d'euros et a donc décidé de se tourner, entre autres, vers qui? Ben, vers les chômeurs. Selon Tlat News, la présidente de l'OpenVLD, Gwendoline Rutten, a deux propositions. Miser encore davantage sur les allocations de chômage dégressives, donc elle voudrait que les chômeurs soient davantage activés, que les gens ne vivent pas toute leur vie d'indemnité. On pourrait donc instaurer un système dégressif dans ces fameuses indemnités. Et deuxième proposition, elle souhaite instaurer un examen des ressources et déterminer les moyens des chômeurs. C'est-à-dire que si un demandeur d'emploi dispose de suffisamment de revenus, par exemple tirés de l'immobilier ou de la vente d'actions, par exemple, et qu'il est au chômage depuis quelque temps, il verrait diminuer ou même disparaître ses allocations de chômage. Eh ben voilà. Disparaître, disparaître. Voilà, Goldorak en japonais, bien sûr. Fulgure au point. Est-ce que vous vous rendez compte que Charles Michel s'est aperçu ce matin que l'autre... Peter de Crème n'était pas là. Il a lu le journal. Tu veux bien revenir des États-Unis, toi. Bon, la tendance est donc gagnée, mon cher Hervé. On vous envoie le Time's Up dans sa version family. Vous allez pouvoir vous amuser avec toute votre famille. Un cadeau d'ailleurs que nous vous offrons sur la page Facebook de l'émission. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Vous qui nous écoutez un peu partout dans le royaume. Hervé, on vous embrasse. Restez presque sérieux et fidèle à la première. Et surtout, faites un bel accueil à Fred Janin qui entre dans Hervé, la danse. S'il vous plaît, voilà, Hervé, faites un accueil. Fred Janin qui va donc nous proposer son parcours d'intégration presque sérieux. Oui. On s'est dit, on va de toute façon être interdit dans 3 semaines, donc allons le plus loin possible. Qui est ça, c'est pas moi, hein. Alors, ça y est, t'es sûr? Ben oui, hein, ça va aller. Mais enfin, il y a longtemps que j'ai plus... Mais t'inquiète, ça revient tout seul. J'ai quand même un petit peu la trouille, quoi. Mais enfin, pourquoi? Mais c'est pas... C'est comme Aznavour qui remonte sur scène après 25 ans d'abstinence. Ben la trouille, quoi. En direct, en plus. Ben ça va aller. Et on peut aborder tous les sujets. Mais oui, bien sûr. On peut y aller à fond. Oui, oui, tu te lâches à fond. Allez, fais comme d'habitude. Politique, actualité, sexe, tabou... Vas-y, fais péter. Tu sais, légèrement plus loin, quoi. Quelques coups de griffe à nos gouvernants. Enfin, pas bêtement, politique illégalité correcte. Hein. Politique correcte. Non, non, non, coup des franges. À fond. Ouais, à fond les ballons. Genre, tout ce qu'on veut. Ouais, ouais, ouais. Parce tout, que tu me connais, hein, tu me connais bien. Hein, oui, je te connais depuis 33 ans. Ah, moi, quand j'y vais, quoi. Hein, ah, sans oui, concession, ouais, je suis prêt à risquer ma peau. Hein. Ouais, ouais. Et quand je suis lancé, il n'y a rien qui m'arrête. Hein, je suis prêt à faire de la tôle pour faire rigoler. Hein. Mais tout le monde y passe. Hein, je tire à boulet rouge, je bouscule les préjugés, je défonce les idées reçues. Hein. Ouais, ouais, ça va, ça je sais. Ouais. Bon, allez, je me lance alors, j'y vais. Hein. Oui. À fond. Sans concession. Mais oui. J'y vais, t'es sûr. Hein, il faudra pas s'étonner s'il y a des réactions. Allez, hein, vas-y, je te fais confiance. Du courrier, des menaces, des injures. Oui, vas-y, Fred, parce que hein, tu as vu l'heure, là. Mais, j'ai aucune limite. Hein, je dirais tout ce que les gens n'osent même pas penser tout bas, hein, tellement ça va loin avec moi. Hein, oui, je sais, c'est le moment. Explose-toi, mon vieux. Tu sais que je peux aller très loin. Oui, oui, oui, oui, oui. Je peux aussi dire des grands mots. Oui, ça, je sais. Je peux me mettre tout nu. Quoi? Je peux me mettre tout nu. Ils n'ont pas encore allumé le chauffage. Ah oui, mais provoque, hein, provoque à fond, dire des insultes. Donald Trump, Maggie de Bloc, hein, à fond, quand tu me connais. Hein. Justement, je te connais, Fred. Ouais, mais enfin, tu sais, laisse nul et tout ça. Vas-y, on Fred. À fond, hein. On est en direct, vas-y, leur tour. Ok, ok. Bah c'est Bart de Weaver qui va à la pêche et qui... Non, attendez. Vous savez pourquoi Didier Reynders... oui. Hillary Clinton rencontre... vas-y, Fred. Non. Total et Vampiris sont sur un bateau. Et c'est... Non, écoutez, je vais écrire un truc en béton pour la fois prochaine, ok? Ah, j'adore Fred Janin. Ah, Fred Janin, qui s'est presque mouillé aujourd'hui. Presque mouillé. Presque mouillé, mais ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous, effectivement. Belle plaisir petite partagé, entrée Walid. En matière pour Fred Janin. Une actualité que nous allons continuer à revisiter et nous y intéresser avec notre regard. Oh, celui d'œil de lynx de Catherine Ronvaux. Ce regard de petite fouine. Pour avoir du courrier, vous l'aurez ce courrier. De Gilles Dall. Ou celui je vous demande de trouver autre chose. De Fred Janin qui a le regard assez sur sa proie. Pas mal. Celui de Raoul Reyers, un regard d'Alain Delon. Des petites fouines pour moi et pour Raoul Alain Delon. C'est parce qu'il a plein de respect. Et Vincent Flibustier qui est presque sérieux également. Et moi j'ai quoi? Nous reviendrons. Vous avez juste l'œil de Moscou, tiens. À défaut d'avoir l'œil de la Corée du Nord. Peut-être que vous allez nous en parler de la Corée du Nord dans un instant. Absolument pas. Ah bah voilà. Fini, monsieur. Restons presque sérieux avec des histoires signées donc Vincent Flibustier et l'histoire qui s'invite également. Que s'est-il passé un 6 octobre. Aha ! Les auditeurs se posent la question, vous posez également oui. La question autour de la table. Eh bien, Laurent de Hausset aura une question à vous poser en rapport avec bien justement cette date, le 6 octobre. J'encourage également à retitrer une information sur la page Facebook de l'émission. On en parlait presque vaguement avec notre cher Fred Janin. L'Empiris, qui rachète... Non, Total, qui rachète l'Empiris pour 180 millions d'euros. Comment est-ce que vous pourriez retitrer cette information? Rendez-vous donc sur la page Facebook de l'émission. Réponse après les informations de 17h. Restez presque sérieux et je vous rappelle, c'est une info qui est tombée il y a quelques minutes et la première était la première radio à vous le dire. Eh bien, le verdict du procès Bernard Westphal, il est non coupable. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. La première présente les DS Brussels Fashion Days, le rendez-vous mode de l'année. Du 14 au 16 octobre, la mode belge vous invite au Square Brussels Meeting Center pour 4 grands défilés, un pop-up de 30 créateurs, la présence des 10 écoles belges, des beauty bars et une after-party par les soirées Love. Prévente ticketmaster.be avec DS Automobile et la Loterie Nationale. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel. Porte et châssis avec une promesse, la transparence. Venez vivre la magie du feu et de la lumière au domaine provincial de Chevetogne lors de la nuit du feu des abonnés. 5 feux d'artifice, des spectacles et des ambiances féeriques. Venez en prendre plein les yeux le samedi 15 octobre dès 19h. Attention, accès réservé aux abonnés du domaine. Info, domaine-de-chevetogne.be. Avec Stuve et votre journal 7 dimanche. Avec Engie Electrabel, vous vivez mieux l'énergie jour après jour. Même lorsque vous rentrez de vacances par un temps typiquement belge. J'ai froid. Bah oui, mais pourquoi t'as pas pris un manteau? Mais j'en avais pas besoin à Barcelone de mon manteau. Ah oui. Bah donne-moi le smartphone, j'ai déjà mettre le chauffage à la maison. Oh, t'es chou. Augmenter votre chauffage à distance? C'est simple avec Box, le cerveau digital de votre maison. Découvrez maintenant les avantages uniques du pack Énergie plus Box sur box2x.be. Engie Electrabel. Vivons mieux l'énergie. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. La première. Mobile Info. 16h, presque 46, un point sur vos conditions de circulation. Des questions, Laurent Deboeuf, est-ce que ça roule? Oui, ça roule, mais pas du côté d'Anvers, parce que là, on y enregistre de gros embarras de circulation dans la région d'Anvers, notamment sur le R1, donc dans les deux directions, vers Anvers directement, comptez 1h10 de retard et 30 minutes en direction de Gand. On relève aussi des difficultés sur le 17 venant de Gand, avec 30 minutes de perdu sur ce tronçon, et sur l'A12 venant de Bruxelles, avec 20 minutes de perdu également à cet endroit. Du côté de Bruxelles, ce sont les ralentissements évidemment habituels sur le ring de la capitale, avec néanmoins des tronçons plus encombrés. C'est le cas en extérieur entre Woluwe-Saint-Etienne et Wemmel. Cela coince aussi entre Forêt, Bercel vers Halle, et pas mal de ralentissements aussi en intérieur, notamment entre Grand Bigard et le carrefour Léonard en direction de Waterloo. Des files aussi sur la petite ceinture, tant vers Kuckelberg que vers le Midi. Si vous quittez Bruxelles à l'approche de Liège, sachez que vous risquez d'être perturbé par des déchets de pneus de camion. Sur le 40 Bruxelles-Liège, donc à hauteur, c'est peu après Tirlemont, au kilomètre 42. Cela rend le passage difficile en direction de la Cité Ardente. Et puis des travaux vous ralentissent, notamment sur le 25 Bastogne-Liège, entre Beaufailly et Tilf. 4 km de ralentissement qui vous font perdre 10 minutes en direction de Liège. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. I have a dream. Je vous ai compris. Presque un jour dans l'histoire. C'est pas Kennedy, ça? Hey Houston, on a un problème ici. L'histoire qui s'invite sur la première, vous le savez, tous les jours de la semaine avec Laurent Dosset qui vous proposera, comme tous les jours de la semaine du lundi au vendredi, eh bien une info liée à l'histoire, l'affaire de la traite des Blanches à la fin du 19e siècle. C'est à découvrir demain vendredi entre 13h30 et 14h30 sur la première. Mais que s'est-il passé un 6 octobre? Question. Un 6 octobre, j'ai commencé à parler en chantant. De quoi s'agit-il? Aha. J'ai commencé à parler en chantant. Les statues égyptiennes. Statues égyptiennes, non plus. Alors, un 6 octobre, commencer à parler en chantant, de quoi parle-t-on? Je vous donne même la date, 1927. Est-ce que c'est quelqu'un qui était muet avant et a commencé à parler vraiment en chantant littéralement? Littéralement, non, mais effectivement. Le cinéma. Vous dites? Le cinéma. Et donc? Donc le premier film était musical. Le premier film était presque musical, le premier film parlant. Date du 6 octobre 1927, le chanteur Al Johnson. De jazz. Effectivement. Al Johnson. Un film réalisé par Alan Crosland, un film considéré donc comme le premier film parlant de l'histoire, car pour la première fois, quelques dialogues présents sont synchronisés avec l'image. Tout ça grâce aux frères. Dardenne. On n'est pas loin. Aux frères Warner. Ah, Warner. Les frères Warner qui ont mis au point le fameux Vitaphone. Vitaphone, c'est un peu comme Vitamine, émission sur la 2, mais c'est Vitaphone. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez vu, il y a même le mot aphone à l'intérieur. Ouais. Ah, Vitaphone. On est Vitaphone. On est Vitaphone quand on va au cinéma. Voilà, muet. Muet. Un système, donc, le Vitaphone, qui permet de synchroniser la bobine de film avec un disque, une innovation qui va donc révolutionner l'industrie du cinéma. Impose en tout cas des contraintes imprévues. Il faut cacher les micros, il faut insonoriser les caméras. Effectivement, c'était mieux avant. Et les films deviennent en tout cas au tout début statiques et très très bavards. Et ça a fait perte de l'emploi, hein, un peu l'informatique et Inge, parce qu'il n'y avait plus le pianiste pour jouer pendant le film. Effectivement. Exact. Et alors au-delà de ça, il y a des grosses pointures du cinéma muet qui vont tout doucement finir par disparaître. Hein. Buster Keaton, Louis Brooks. Mais par contre, de nouvelles vedettes vont apparaître, comme au début du cinéma, c'est dans le vivier du théâtre qu'il va d'abord puiser ce cinéma avant qu'on ne s'impose de jeunes comédiens comme Clark Gable, Cary Grant ou Humphrey Bogart. Et alors, je vais vous donner un nom, nom d'une femme qui s'appelle Norma Talmadge. Ou Talmadge. Et puis qui a pris un pseudo. Oui. Alors, qui est-elle? Est-ce que vous le savez? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui jouait dans Singing in the Rain? Non. C'est pas Norma Jean. Est-ce que c'est une personne de couleur noire? C'est grâce à elle que nous devons un endroit aujourd'hui que beaucoup de personnes visitent. La place Jourdan. Norma. la baraque frite. Non. En 1927, une vedette du cinéma muet. Elle visite un chantier de construction. Mais que s'y passe-t-il? Et c'est pas elle qui a pris la photo des gens qui mangent leur casse-croûte? Non, c'est pas ça. Le studio de cinéma? Non. Lyon d'Waterloo. Quand vous pensez cinéma, qu'est-ce qu'il y a? Le Hollywood, oui. Popcorn. Faites un lien entre cinéma et construction. De quoi a-t-on besoin pour construire un mur, par exemple? On a besoin de briques. Mais au-delà de la brique, du ciment. Alors? Ben, elle a les empreintes. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis ses empreintes dans le ciment. C'est la première qui a mis son 1, d'accord. Oui, effectivement. Norma Talmadge, vedette donc de ce cinéma muet, se rend dans un chantier de construction au Grumman's Chinese Theater. Ben oui. Un cinéma situé sur Hollywood Boulevard à Los Angeles. Et elle marche accidentellement dans une dalle de ciment encore fraîche. Elle est toujours là. Ah oui. Alors, elle y laissa la trace de son pied, ce qui donna forcément l'idée de figer les empreintes de toutes les stars de cinéma, reprises plus tard pour le fameux Walk of Fame. Et oui, créé en 1958, ce fameux Walk of Fame est classé d'ailleurs monument historique depuis 1978. Et donc, vous avez vu que Trump a aussi son empreinte, oui. Et qu'elle est saccagée tout le temps. Mais ils ont dû même mettre un petit mur. Des gens se sont amusés à mettre un petit mur autour. Alors, c'est vrai que chaque personne qui reçoit d'ailleurs une étoile doit accepter de participer à une cérémonie de présentation. Donc ça, jusque-là, tout va bien. Mais doit surtout aussi verser 30 000 dollars à l'association. Et donc, en général, cette somme est payée par les studios de cinéma ou les éditeurs musicaux en raison de la publicité générée par cette cérémonie d'inauguration. Et Jaco van der Maal, il n'a pas dû payer 30 000. Parce qu'à Ostende, il y a la même chose. Et au stand, il a une. À au stand, il y a les trucs, les étoiles sur la digue. Les étoiles de mer, ça s'appelle ça. Les étoiles de mer. Au clou, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose que chez Belgique, on peut aussi avoir notre mur. Mais soyons un peu plus originaux, vous savez, il faut trouver une idée un peu plus. Un petit quelque chose qui va légèrement plus loin. On prend de vraies étoiles de mer. Voilà. Et on les écrase sur la digue. Avec une empreinte. C'est des êtres vivants, les étoiles de mer. Oui, c'est vrai. On les embrasse. On va oublier cette idée. En attendant, Vincent Flibusti a des histoires à nous raconter. Bonjour, monsieur Vincent. Vincent, deux histoires. L'une d'entre ces deux histoires est vraie. La question, c'est laquelle? Aujourd'hui, j'avais envie de parler de sport, parce qu'ici, autour de la table, on adore ça, le sport. Bah on oui. est super sportif à fond. Parlons donc sport automobile, et un peu lent, parce que c'est moins fatigant. Et en sport automobile, il y a eu, entre 1978 et 1979, une catégorie très particulière de course automobile, et uniquement au Circuito de Boa Vista, au Portugal. Catherine, un petit accent portugais? Non. Portugais. Eh bien, il s'agit des 20 et 4 minutos de Boa Vista. Une course inspirée de 24 heures du Mans, mais de 24 minutes. Et en plus, contrairement aux 24 heures du Mans, ça se faisait à pied. Donc en fait, c'était une course à pied. Mais pourquoi, Catherine, demandez pas moi pourquoi en portugais. Mais pourquoi je suis arrêtée? Eh bien, parce que le Portugal avait un taux d'imposition de 0% donc de TVA sur la course automobile, mais de 20% sur les autres sports. Donc des Portugais ont décidé de créer des courses à pied mais automobiles pour payer moins d'impôts. Et grâce à leurs 2 ans de course idiote, ils ont fait baisser la TVA sur tout le sport à 0%. Les 24 minutes minutes à pied au Portugal avec ce sport automobile. Seconde histoire, Vincent. Hein. Traditionnellement, donc, lors de championnats de Formule 1, moi je n'en ai jamais vu, j'ai demandé à Raoul de confirmer, on passe l'hymne national des vainqueurs, des gens sur le podium. Du coup, on a toujours eu l'habitude avec le temps de passer les hymnes nationaux de l'Allemagne, du Royaume-Uni, etc. Mais en 1977, celui qui a gagné le Grand Prix d'Autriche, c'était le pilote australien Alan Jones. Et les organisateurs ont été hyper paniqués parce qu'ils n'avaient pas en stock l'hymne national australien, vu qu'un Australien n'avait jamais gagné. Alors qu'en fait, l'hymne, c'est le même que celui du Royaume-Uni, c'est God Save the Queen. Du coup, dans la panique, ils ont demandé à un joueur de trompette bourré qui traînait par là de jouer Joyeux anniversaire à la trompette pour fêter la victoire de l'Australien. On écoute. Ça a dû lui faire plaisir. Enfin, je me demande si c'est vrai parce qu'il illustre en plus. Ah oui, il était vraiment bourré. C'est pas évident à trouver sur YouTube. Alors, taper deux histoires et une petite tour de table pour découvrir l'histoire vraie du jour. On reste dans le sport automobile, une histoire avec ses 24 minutes à pied autour d'un circuit au Portugal et ce Grand Prix d'Autriche avec l'hymne australien interprété. Avec Maestria par un homme pris au hasard dans la foule. Fred Janin, première ou seconde histoire? C'est très très difficile. Hein. Je ne suis pas habitué. Pour préparer. Allez, disons la première. Pour la première au Portugal pour Fred Janin. Raoul Reyers. Je vais prendre la première aussi parce que le trompettiste là. La première histoire également pour Raoul Reyers. Catherine Renvaux. Si je penche la première. La première, Catherine Renvaux. La deuxième, monsieur. Gilles Dalle est avec nous. Je frappe un grand coup. La deuxième, presque à l'unanimité. La première histoire, est-ce l'histoire vraie du jour? Roulement de tambour. Eh bien, chers amis, on a bien fait jouer Joyeux anniversaire un joueur de trompette bourré pour la première victoire d'un Australien au Grand Prix de Formule 1 d'Autriche. Par contre, le son que j'ai trouvé, j'ai juste tapé Drunk Trumpet Happy Birthday dans Google. C'est pas le son de l'époque parce qu'il n'y avait pas d'enregistrement. Et donc, Alan Jones a fait un petit incident diplomatique parce que c'était le premier Australien à gagner, grande fête, tout ça. Et puis, on lui sort ce truc tout pourri. Alors qu'en plus, le mec, et apparemment, c'est assez impressionnant, il avait démarré 14e sur le circuit. Donc, arriver tout premier, c'est pas mal, Raoul, non? Oui, surtout quand les autres se plantent. Ça se fait encore, c'est le week-end dernier, c'était à peu près ça. Il a remonté Rosberg. Et donc voilà, on peut se retrouver Rosberg. Vous imaginez la joie? C'est surtout le champagne. C'est surtout le champagne. C'est l'hymne national d'Australie, ça? Ouais, bah, plus ou moins ça, allez. On va dire. Et c'est facile, vous savez pourquoi? Parce qu'après, on peut tout remettre sur la faute du monsieur. Ah, on lui avait dit de jouer. Mais surtout que c'est dommage, parce qu'en plus, c'était le God Save the Queen. Ça aurait été un hymne qu'il n'avait pas du tout. Ils auraient pu. En tout cas, merci à Vincent Flibussier pour cette histoire cocasse. Vous aurez l'occasion d'en reparler, tiens, en rentrant à la maison chez vous. Voilà. Savoureuse. Chérie, tu veux que je te chante l'hymne australien? Allez, on poursuit cette aventure presque sérieusement avec une info que nous allons retitrer dans un instant. Elle concerne l'Empiris, racheté par Total. Montant du rachat, 180 millions d'euros. Vous pouvez bien entendu retitrer cette information sur la page Facebook. Vous ferez l'exercice. Et puis tiens, mon petit Fred Janin, oui, pour nous faire plaisir, est-ce que vous auriez une petite perle de sagesse du Dalai Lameurs? Oh, j'adore le Dalai Lameurs. On va vous laisser réfléchir. Le temps pour nous de nous informer à 17h. Et puis toute la bande revient. Gilles Dalle, Catherine Renvaux, il y a Fred Janin, Raoul Reyers, Vincent Flibussier. Et vous, voilà. Restez presque sérieux sur la première. Allez, on s'informe dans quelques minutes. À tout de suite. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Dee. Des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Dee, faites-vous plaisir. Du 3 au 22 octobre, c'est les prix Qualité Pro spécial isolation chez Tout Faire Matériaux. En ce moment, la plaque de plâtre 2,60 m, 2 bords amincis, épaisseur 9,5 mm, est à 2,39 euros le mètre carré. Alors profitez-en. Gagnez en savoir-faire. 2,39 euros le mètre carré, soit 3,73 euros la plaque largeur 60 cm, 7,46 euros largeur 120 cm. Nouveau, Komiyakaza Delicious. Réservez un moment rien que pour vous et savourez la lasagne royale, les raviolis du marais ou les farfales pancetta formaggio. Komiyakaza. Apportez un peu de chaleur. Mieux on connaît le monde, mieux on s'exporte. Alors, en Inde, comme dans d'autres pays, on vous dira jamais non de façon directe, même dans le business. On vous dira oui, oui, oui, mais. Vous comprenez? Oui? Non, vous voulez dire oui, oui ou oui, mais? Quoi? Avec Bruxelles Investi Export, un monde de perspectives s'ouvre à vous. Conseils personnalisés, contacts sur tous les continents, missions économiques, aide financière. Découvrez une force d'action unique pour les entreprises bruxelloises sur bruxellesinvestexport.be. Bruxelles Investi Export, créateur de perspectives. Cuisine Ixina. Qu'est-ce qu'écoute un conseiller Ixina? Le bruit des feuilles qui tombent? Non, ils vous écoutent parler de votre rêve et de votre budget. Cet automne, Ixina vous propose des cuisines 5 étoiles et leur promo 5 étoiles. Ne les manquez pas. Conditions sur Ixina.be. C'est bien pensé. Dis Sophie, mais qu'est-ce qui s'est passé? 9,5 sur 10? Faut te reprendre, hein? Vous êtes très exigeant? Alors les voitures d'occasion BMW Premium Selection vont vous ravir, car elles sont sélectionnées avec soin et en parfait état. En plus, jusqu'au 31 octobre, vous recevez 4 ans de garantie. Plus d'infos sur bmw.be. La première, météo. Bonne fin de journée à tous. La nuit sera moins froide que la précédente grâce à la couche nuageuse. On attend 7 à 9 degrés. Demain, un ciel bien chargé avec même possibilité d'un petit peu de bruine de la Campine jusqu'au Haut-de-Fagne. Dans le courant de la journée, de timides éclaircies reviendront. On ne dépassera pas 10 à 14, voire 15 degrés avec toujours un vent désagréable de secteur nord-ouest. Samedi, il y aura un risque d'averse un petit peu plus grand sur toutes les régions. Dimanche, on reparle d'un temps sec. La moyenne des température restera comprise entre 9 et 14 degrés. Pour un instant gourmand et ensoleillé, Picard. Les surgelés Picard, chaque jour un goût nouveau. Picard.be. La première. 17h. Votre journal, Diane Burgel-Vernet. Bonsoir, Diane. Bonsoir. Bernard Westphal n'a pas tué son épouse. Le jury d'assises a tranché. L'ancien député wallon est acquitté du meurtre de Véronique Piroton. On rejoint à Mons Michel Gretry dans un instant. Dans ce journal aussi, le portrait d'Antonio Guterres, le Portugais, le soutien unanime du Conseil de sécurité pour devenir secrétaire général des Nations Unies. Avant de développer ces titres, un point sur vos conditions de circulation avec Laurent Deboeuf. Oui, une situation qui est assez calme dans l'ensemble, hormis du côté d'Anvers où là, apparemment, le R1 est assez dense. Donc autour de cette cité portuaire, certains tronçons affichent d'ailleurs 1h10 de temps de parcours nécessaire. Soyez patient si vous êtes dans ces files. La cour d'assises de la province de Hainaut, c'est en Mons, a rendu l'arrêt suivant. Vu la réponse du jury à la question posée par le président de la cour d'assises sur le fait mis à charge de Westphal Bernard, Marcel Léon, né à Warem le 25 septembre 1958, 58 ans, à la question principale de culpabilité, non. Non, Bernard Westphal n'est pas coupable de la mort de sa femme Véronique Piroton le 31 octobre 2013. Bonsoir Michel Gretry. Bonsoir Diane. Les 12 jurés de la cour d'assises de Mons ont donc rendu leur verdict. L'ancien député wallon est acquitté. Quels sont, Michel, les arguments de la cour ? Eh bien, c'est un arrêt particulièrement limpide qui vient d'être lu. Tout simplement, le procureur général n'a pas établi à suffisance les griefs à l'encontre de l'accusé. Alors certes, selon les jurés, il reste des éléments très troubles. Les bruits entendus dans les chambres voisines, la position du corps dans la salle de bain, les hématomes révélés par l'autopsie et la présence d'un sachet en plastique. Mais au final, c'est en fait le procès d'une enquête ratée qui a été instruite. Des indices n'ont pas été vérifiés de manière aboutie. La thèse de l'étouffement n'a pas pu être validée. Un point précis est noté. Oui, de la salive a été retrouvée sur une taille d'oreiller qui, pour l'accusation, aurait servi d'arme du crime. Mais les mêmes traces existent sur un coussin vert de décoration qui, de l'avis de toutes les parties, n'a joué aucun rôle dans le drame. Et puisque les experts et les contre-experts ont fini unanimement par dire que l'intoxication accidentelle, que l'abus de médicaments et d'alcool ne peut pas être exclu, eh bien des doutes raisonnables subsistent. La conséquence est logique, c'est l'acquittement. Merci Michel Gretry en direct des Assises de Mons. Je vous propose à présent d'écouter la réaction de Bernard Westphal. Il s'est exprimé juste après le verdict. Écoutez, ce que je vais vous dire. Après 3 ans de souffrance comme ça. Il n'y a pas de quoi pavoiser. Vous savez pourquoi il n'y a pas de quoi pavoiser? Parce que je suis enfin soulagé, je suis acquitté aujourd'hui. Mais je pense d'abord à Véronique. Je pense d'abord à elle, parce qu'elle n'est plus là. Et ça, c'est dur, hein, malgré mon acquittement. Et puis, je pense à ce petit garçon, ce qu'il doit ressentir. C'est d'abord vers eux que va ma pensée aujourd'hui. La réaction de Bernard Westphal au micro de Jérémy Gilter. On reviendra bien sûr sur l'acquittement de Bernard Westphal dès 17h30 avec Michel Gretry dans Soir Première. Arnaud Reussen décryptera aussi ce verdict avec le pénaliste Denis Bosquet. Peter de Crème est prié de rentrer en Belgique. Le secrétaire d'État suit en ce moment un cursus de 6 semaines à Harvard, aux États-Unis. Mais le Premier ministre Charles Michel lui a demandé de rentrer en Belgique afin d'assumer ses responsabilités de secrétaire d'État au commerce extérieur. Peter de Crème devra être de retour avant la rentrée parlementaire, c'est-à-dire mardi prochain. Les syndicats ont renoncé à une grève générale, mais des actions ciblées sont annoncées demain dans certains secteurs. Il faut s'attendre à des perturbations dans les transports en commun wallons. Les trains, a priori, devraient rouler normalement. Difficile, évidemment, à cette heure-ci de savoir précisément quel sera l'impact du mouvement syndical. Des préavis ont été déposés, par exemple, dans les secteurs du nettoyage et du gardiennage de l'Horeca, mais aussi dans le secteur alimentaire. Un secteur sera en tout cas bien représenté, le secteur bancaire. Les syndicats d'ING appellent le personnel à venir en masse devant le siège social de la banque à Bruxelles. Deux tiers des Belges aident leurs criminels par leur comportement à risque sur Internet. Autrement dit, une grande majorité des gens connectés. Le Centre pour la cybersécurité belge lance une grande campagne de sensibilisation pour qu'installer un virus ou choisir un mot de passe complexe devienne un réflexe, tel que fermer sa porte à clé quand on quitte son domicile. Cette campagne, ça se passe sur un site internet, safeonweb.be. Odile Luert nous en dit plus. C'est un site internet très convivial et facile d'utilisation. Vous avez le choix entre un bouton au secours qui vous donnera des premiers conseils si vous vous êtes fait pirater ou envahir par un virus. Deuxième possibilité, tester votre sécurité. Vous pouvez notamment y tester votre crédulité. Savez-vous reconnaître un vrai mail d'un faux mail? Vous serez souvent étonné. Le site, au fur et à mesure, vous montre ce qui aurait dû vous alerter. Vous y trouverez aussi des conseils sur comment mieux vous cybersécuriser. Si vous ne le faites pas, vous vous exposez non seulement à voir vos coordonnées divulguées, mais aussi à être complice de cybercriminalité. Miguel De Brocker est le directeur du Centre de cybersécurité belge. Le risque est par exemple qu'un cybercriminel installe un virus sur votre système, qu'à ce moment-là, il a accès à vos informations et qu'il peut utiliser votre ordinateur, par exemple, pour attaquer des autres systèmes. Alors, on vous rappelle quelques conseils de base, mais trop souvent ignorés. On ne clique pas sur un lien ni sur une pièce jointe d'un mail sur lequel on a le moindre doute. Et on choisit un mot de passe de minimum 9 caractères avec des chiffres, des lettres et des symboles. Si possible, choisissez même une phrase, vous serez au top. Et cette campagne Safe on Web, c'est sur le site safeonweb.be. Une victoire des femmes en Pologne. Peut-être la très grande mobilisation du début de semaine y est-elle pour quelque chose? En tout cas, le Parlement a rejeté la proposition de loi d'initiative citoyenne qui interdisait pratiquement totalement l'avortement. Proposition très largement rejetée par 352 députés de la majorité conservatrice et de l'opposition. Les protestations de lundi nous ont fait réfléchir et nous ont donné une leçon d'humilité, a admis un ministre. Le projet a également suscité l'émotion en Europe. Le Parlement européen s'est saisi de ce dossier hier et de nombreux députés y ont vivement critiqué le texte lors d'un débat. Le bilan s'alourdit après le passage de l'ouragan Matthew en Haïti. 35 personnes ont perdu la vie. Cela fait 39 en tout pour le moment dans les Caraïbes. La dépression d'une violence sans précédent depuis l'ouragan Félix en 2007 se dirige désormais vers la côte est des États-Unis. Elle devrait balayer la Floride dans les heures qui viennent. Plus de 2 millions d'Américains ont été sommés d'évacuer le littoral atlantique. L'ancien Premier ministre portugais António Guterres a été confirmé par acclamation comme successeur de Ban Ki-moon à la tête des Nations Unies. Il a obtenu l'unanimité des 15 membres du Conseil de sécurité. Il s'est forgé une réputation d'homme de terrain et d'humaniste dans son propre pays, le Portugal, mais aussi sur la scène internationale lorsque François Olmac il a dirigé le Haut Commissariat aux réfugiés. Oui, ce socialiste militant de la révolution des œillets est devenu Premier ministre du Portugal en 1995. À l'époque, le pays connaissait une période d'expansion et le plein emploi et Guterres en profite pour créer le revenu minimum garanti, une de ses mesures phares. Il est perçu par les Portugais comme un homme politique responsable et ouvert au dialogue. C'est un europhile convaincu qui a fait rentrer son pays dans l'euro. Par contre, ce catholique pratiquant a sans doute pesé dans le non lors du référendum sur la dépénalisation de l'avortement en 1998. Après ses deux mandats de Premier ministre, il entame une carrière internationale. Il prend la direction de l'agence onusienne pour les réfugiés et ne cesse de lancer des cris d'alarme pour plus de solidarité envers les millions de déracinés de la planète. Il dégraisse aussi l'organisation, réduit d'un tiers les fonctionnaires à Genève, au bénéfice de gens de terrain capables d'intervenir dans l'urgence. Il aura sans doute la même ambition pour l'ONU, ce grand machin, comme disait De Gaulle. Pour Guterres, il y a trop de réunions avec trop de participants et pas assez de décisions. Antonio Guterres qui prendra ses fonctions le 1er janvier prochain. 17h08, je vous rappelle le principal sujet développé dans ce journal, c'est l'acquittement de Bernard Westphal. L'ancien député wallon n'a pas tué son épouse Véronique Piroton. C'est ce qu'a décidé le jury d'assises du Hainaut. 17h09, merci de nous être fidèles. Toute l'info est sur rtbf.be. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse, la transparence. Bienvenue sur la première, c'est toujours presque sérieux. Effectivement, Diane retourne dans la formation tout à l'heure à 17h30 pour Soir Première. La première. 16h-17h30, c'est presque sérieux avec Walid. Quel plaisir de vous accompagner durant une heure et demie tous les jours sur la première avec l'actu comme fond de commerce, on peut le dire. Hein, l'actualité, toute l'actualité, rien que l'actualité avec laquelle nous rions, avec laquelle nous nous amusons du second degré en veux-tu en voilà pour décompresser, pour prendre du recul par rapport à une journée... Exténuante où vous avez décompressé. C'est quand même un peu dur pour les auditeurs. Oui, pour décompresser, c'est pas très sympa. Écoutez-nous quand même. Fred Janin est avec nous, il est presque sérieux, vous l'avez entendu. Il y a Catherine Ronvaux également. Bonjour tout le monde. Il y a... J'aime bien comment elle vous a appelé tout à l'heure, Catherine Ronvaux. Je crois que ça va être votre surnom. Autant l'année passée, je vous appelais mon coton-tige. Mm-hmm. Je n'ai jamais eu la réponse. Autant maintenant, je vous appelais Maître Gilles. Mais quand vous voulez, je préfère. Maître Gilles. Avec mon œil, comment, sournois et... Non. Non, avec vos lunettes. Vous... Ah, vos lunettes. Et non, et votre petit regard de fouine. Regard de petite fouine, c'est encore différent. C'est petite, c'est le mot petit. C'est non, l'adjectif. C'est fouine. Ça, c'est la taille de la fouine n'a pas beaucoup d'importance. Il y a Vincent Flibustier qui est avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour tout le monde. Il y a Raoul Reyers également présent. Les petites cacahuètes de chez Oxfam sont excellentes. Ah, effectivement, on a eu le droit de goûter un petit déjeuner. C'était la journée. C'était très sympathique. C'est la semaine du commerce équitable. Et puis, effectivement, vous avez bien raison de le souligner, Vincent. Actualité et des petites perles de sagesse avec le Dalai Lama. Si vous voulez demander de nous en faire quelques-unes, ce sera dans un instant le temps pour nous de revenir sur une des infos qui a marqué l'actualité de ce 10 octobre. Oui, parlons de Total qui rachète l'Empiris. C'est presque sérieux. C'est la première. Alors, tout le monde a lu cette information depuis le mois de juin, mais cette fois-ci, la transaction a été finalisée. Le géant pétrolier Total est le seul propriétaire du fournisseur de gaz et d'électricité verte, l'Empiris. Depuis la semaine dernière, le prix de cette transaction s'élève à 180 millions d'euros. C'est pour cette raison d'ailleurs que la semaine dernière, Greenpeace avait littéralement descendu en faisant passer l'Empiris de 14 à 8 sur 20 dans son classement de l'électricité verte. Et puis, à l'annonce de ce rachat en juin, près de 5000 clients avaient quitté la société l'Empiris en 2 semaines. Énorme quand même. Donc selon l'Écho, les 180 millions d'euros se répartiraient entre les deux fondateurs de l'Empiris, 60 millions d'euros chacun, tandis que les sociétés d'investissement Gimv et Sriv touchent chacune 29 millions. Donc ça fait beaucoup. Alors Total qui a acheté l'Empiris pour 180 millions d'euros, les auditeurs de la première s'en sont donnés à cœur joie sur la page Facebook de l'émission. Je lirai quelques titres dans un instant. Comment vous pourriez retitrer cette information, Catherine Ronvaux? L'Empire is total. L'Empire is total. Je rappelle, tiens, d'ailleurs, tant que vous nous faites des références cinématographiques, tout à l'heure, vous parliez de Goldorak. Je ne savais pas qu'on pouvait pas. Je vais inviter un auditeur ou une auditrice à me donner cette réponse. J'ai la réponse. Qui? Donc Goldorak, on sait que c'est Actarus. Oui. Actarus, c'est le prince de... vous nous donnez la réponse par SMS au 6031 75 centimes, le message planète, nom, prénom et adresse. C'est une planète qui existe effectivement, qui existe. Moi ça dans moi, l'esprit moi, pour moi elle existe. D'accord. Cette planète, ne brisez pas mes quand rêves. Quand est-ce qu'on a Bernard Minet? Très bientôt. Oh, j'adorerais. Écoutez, c'est lui qui c'est un ami de Fred. Personne. C'est le chanteur. Oui, mais donc Actarus. C'est le prince de réponse par SMS au 6031 avec vos coordonnées complètes, nom, prénom et adresse. Vous me donnez cette planète exacte d'où vient Goldorak et vous repartirez avec un cadeau, un sac, une clé USB la bic. Première. Un spéculoos Oxfam. Et un bic et un spéculoos Oxfam. En attendant, on continue à faire le tour de table. L'Empiris racheté par Total pour 180 millions d'euros. Gilles Dal. Moi aussi, je m'en suis donné à cœur joie comme les auditeurs. Écoutez bien, c'est savoureux. Total a acheté l'Empiris pour 180 millions d'euros. Une sacrée somme, déclarent les experts. C'est excellent, on dirait un vrai titre. Raoul Reyers, pour vous. Pour 180 millions, Total a pu poser sa grosse patte graisseuse et huileuse sur l'Empiris. Mmh. Oui, mais c'est trop long. Vous vous seriez arrêté où pour que les gens cliquent? Sa grosse patte. Mais cliquez ici. Voilà. Cliquez avec votre grosse patte. Fred Denin, Total s'en fout comme de l'or. Piris. Ah ouais, pas mal. Jeu de mots. Bruno, qu'est-ce que tu nous entends? Vincent Flibustier. L'Empiris, vous ne partirez plus de chez nous par hasard. Mais oui. Alors, on nous dit sur la page Facebook, encore une semaine et le gagnant à Euromillion peut surenchérir. Malgré son rachat par Total, l'Empiris n'est pas le nom d'un commissaire européen. La preuve que même avec les éoliennes, on risque l'enfumage total. Il a quand même fallu à Total 18 braquages de Kim Kardashian pour se racheter une conscience verte, énergie verte, tueuse, c'est ce que nous dit Pierre Duculot. Les clients sont verts de rage, maintenant c'est les clients qui sont 100% verts. L'Empiris totalement française, éclipse totale sur l'Empiris, total vampiris, l'Empiris. Oh joli. Voilà, c'est signé Philippe de Grèze. Alexis Vliegel nous dit en somme, belle addition pour Total. Voilà, donc n'hésitez pas à continuer à... Ils sont meilleurs que nous. C'est pour ça qu'on leur demande. Bon, en attendant, je vous le disais, vous répondez à cette question. D'où vient Actarus? Quelle est sa planète? Vous repartez. Il y a des moments. Les gens, qui arrivent à l'instant, se disent mais pourquoi ils se demandent où ils sont. Eh bien, réécoutez l'émission sur le rtbf.be/ovio parce que tout à l'heure, notre chère Catherine Renvaux faisait référence à Goldorak dans le qui a dit. Et la question que je vous posais est sans réponse d'ailleurs. Et là, j'en suis pas en toi. Oui. Je suis pas en toi. Regarde, il est pas en toi. J'en suis pas en toi. Il est pas en moi aussi. Pas en moi. D'où vient-il? Eh bien, on pourrait poser la question à Théo Franken qui le renverrait très vite chez lui. Mais d'où vient-il? Réponse par SMS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Vous entamez votre message par CPS avec la bonne réponse et vos coordonnées complètes, nom, prénom et adresse. À 17h et presque 16 minutes, la Presque Star est avec nous, c'est parti. Non, la Presque Star est... Elle est repartie. Ah oui, on va faire le Dalai Lamers, autant pour moi, c'est vrai, c'est parti. Dalai Lamers, qui est donc, je le rappelle à nos auditeurs, le cousin belge du Dalai Lama. Alors, le cousin belge du Dalai Lama a des petites perles de sagesse. Mais c'est une face obscure, hein. Oui, c'est vrai. Je ne vais pas la voir. Si tu trouves que ta coupe de cheveux est ratée, change de coiffeur la prochaine fois, à moins que tu ne désires donner une deuxième chance à ton coiffeur. On va vous laisser méditer sur cette phrase, vous qui nous écoutez. Vous êtes peut-être coiffeur. Si vous êtes coiffeur... Bon allez, c'est parti. Ben, vous savez quoi, il fait bien de parler de coiffeur. Puisque nous allons accueillir une presque star, c'est parti. Coiffeur il est, ah non. Non, elle n'est pas coiffeur, la presque star est avec nous. On va l'accueillir sans plus attendre, il s'appelle Edmond. Bonjour Edmond. Bonjour Aldi. Oui, vous pouvez m'appeler comme vous voulez en fait. Finalement ça marche aussi. C'est Walid. Pardon, excusez-moi. Non, c'est pas grave. Walid, mais c'est pas grave. Non, c'est Walid, c'est le magasin. Walid c'est en fait c'est Walid. Walid c'est l'alligator. Moi c'est l'animateur. Walid avec un D à la fin. Comme David, vous savez. Non pas Walid avec un D. Sinon vous avez Lidl aussi. Voilà, mais Walid avec un D à la fin. Bonjour Edmond. Vous allez bien Edmond? Je vais très bien, merci. Ah, ça me fait plaisir de vous avoir, Edmond. Alors, pour quelle raison on parle de vous dans la presse? Eh bien, c'est la raison pour laquelle vous êtes avec nous d'abord. Et puis, on va demander à nos chroniqueurs de me poser une série de questions. Attention, vous avez exactement une minute. Pas une de plus pour tenter de découvrir la raison pour laquelle Edmond fait parler de lui dans la presse. Est-ce que notre ami Edmond est entrepreneur en peigne? On n'est pas très loin. Est-ce que Edmond est logopède? Pas très loin, mais c'est un signe distinctif uniquement. Ah oui, alors le peigne est un signe distinctif. Il vous aide, alors que normalement, il ne pourrait pas vous aider. Alors, à votre avis? Un signe distinctif de peigne. Oui. D'accord, qu'est-ce qu'on peut peindre? Il n'est pas peintre, non. Écoutez l'indice que voici. Tout le monde se calme! Ceci est un un Police Python 357 Magnum. On a toute la durée du festival pour s'aimer en toute liberté. Ça n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit bouffer de la merde. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, ça son puzzle. Alors toutes ces personnes ont un point commun. À vous de défaire par Edmond. Ils sont morts. Elles sont chauves. Ouais. Et donc, pourquoi on a Edmond avec nous? Il est coiffeur pour chauve. Non. Il fait des perruques. Non plus. Mais il rase le petit poil. Non, mais s'il est chauve. Il a fait un concours de chauve. Il est président de quoi? L'association des chauves. Eh oui, voilà. C'est le chef des chauves. Le chef des chauves. C'est voilà. Pour ça qu'il peut dire Waldy. Le président. C'est pas mal, Waldy. Le président de la Confédération des Belges de Belgique qui fête donc ses 50 ans ce samedi 8 octobre. Edmond Kersten, président donc, de cette confédération qui fête ses 50 ans à Berkem-Sainte-Agathe, créée en 1966. Alors, l'objectif et à l'origine, cette confrérie, c'était quoi son but? Au début, on avait voulu montrer qu'un chauve se portait très bien et qu'il souhaitait vivre dans la joie et la bonne humeur et ne pas être complexé vis-à-vis de tout le monde, aussi bien des messieurs que des dames surtout. Alors c'est vrai que des dames chauves. Oui, ça existe. Mais il y a beaucoup d'hommes complexés aujourd'hui. Il y a des moumoutes, il y a des greffes qui sont de plus en plus. Vous n'êtes pas partisan de ce genre de choses. Non seulement on n'est pas partisan, mais on est interdit. Oui. Tous ces instruments-là, donc les postiches, les perruques, se raser, tout ça, c'est interdit. Si vous voulez rentrer dans notre confrérie, vous prêtez serment en disant que vous ne ferez rien pour que Dame Nature puisse faire repousser vos cheveux. Oui, c'est-à-dire que dès qu'on parle de perruques, d'implants, vous faites la moue. Je dirais même plus, vous faites la moumoute. Moi, je dis carrément dehors. Ah oui, Brighton, quelle est la devise de votre... Brighton, il y a un Zeker. Quelle est la devise de votre confrérie? Chauve, oui, chauve, un nom. Chauve, oui, chauve, un nom. D'accord. C'est bien, c'est bien parce que... Et nous vivons notre calvitie dans la joie et la bonne humeur. C'est-à-dire que malgré que nous soyons chauves, nous aimons nous amuser, nous aimons surtout d'amuser les gens et surtout apporter à des enfants qui sont dans la misère. Des enfants chauves? Une syndicolade, ça. Non, qui ne sont pas chauves, malheureusement. Parce que des enfants chauves, il y en a à cause de la chimio. Et seulement, c'est un petit peu délicat. On a déjà demandé. Alors, un vous peu soutenez délicat. Effectivement des projets d'association, puisque l'intégralité des bénéfices d'une journée en particulier, celle du 8 octobre d'ailleurs, sera reversée à l'association Service Tremplin qui aide les enfants et les familles bruxelloises en difficulté. Oui. Mais seulement, je peux vous dire une chose, c'est que le journaliste qui a écrit ça, il est très gentil. Nous espérons faire beaucoup de bénéfices alors, mais ce n'est pas possible que tous les bénéfices de la même journée puissent aller remplir les routes de Saint-Nicolas pour ces petits-enfants-là, parce que malgré tout, nous avons des frais. Oui. Mais chaque année, blague dans le coin, chaque année, nous allons quand même... le grand saint va chez eux et apporte... Il y a une vingtaine d'enfants-là et nous allons... S'il vous plaît. Saint-Nicolas? Non, Saint-Nicolas, oui, vous voudriez vous réveiller d'un Saint-Nicolas chaud. Non, Saint-Nicolas n'est pas chaud. Non, je ne sais pas ce qu'il a, moi. Il est bien, en tous les cas. Il est bien. Alors, deux dernières questions rapidement. Enfin, la première n'est pas une question. C'est que le 8 octobre, donc ce samedi, le Manneke Beat sera aux couleurs de la confrérie nationale des chauves de Belgique. Ah, mais c'est notre costume habituel, ça. Voilà, le costume qui se compose de quoi exactement? Mais c'est-à-dire c'est une toge noire, jaune et rouge, donc sur fond rouge, une écharpe jaune et deux bandes noires qui font donc... Il faut voir Samy. Oui, cher ami, si vous allez sur le site... On va le voir. www.chauve.be Effectivement. Vous cliquez et vous voyez la photo des chauves. Et alors, si vous cliquez au milieu et vous prenez le comité, vous verrez... Vous cliquez et vous verrez ma tête. Votre femme. Et vous saurez qui je suis. Alors, effectivement, voilà. Mon cher Edmond, je vous

une chronique que vous allez pouvoir revoir sur la page Facebook de l'émission. On va se connecter et nous serons en direct avec vous à 17h35 précise. Donc rendez-vous sur la page Facebook dans un instant et vous aurez le plaisir de déguster cette chronique et ce nouveau jeu nommé l'Indignaton avec Gilles Dall qui nous propose donc sa chronique. Ça vous va, Gilles ? C'est magnifique. Une expérience que nous allons vivre avec nos auditeurs. Un concept. Voilà, on va essayer. Et dans la suite, on serait coiffé. Eh bien, je vous donne la bonne réponse. Tiens, Goldorak, il est le prince de Fort et c'est Grégory de Jalais qui a donné la bonne réponse. On repart avec des cadeaux et je vous souhaite une belle fin d'après-midi à l'écoute de la première. Merci Fred Janin. Merci. Merci Catherine Ronvaux. Merci Gilles Dall. Plaisir. Et merci Vincent Flibustier et Raoul Reyers. Et merci. Rendez-vous à 17h35 sur la page Facebook de la première pour la chronique de Gilles Dall, l'Indignaton. Demain, Christophe de Chavannes sera notre invité. Il sera presque sérieux. Et je vous promets pas mal de chouettes surprises pour terminer cette semaine. D'ici là, portez-vous bien. À demain sur la première, 16h. Ça se passe sur la première. Tout à l'heure, à 20h. Le monde est un village. Ce jeudi, nous avons rendez-vous avec un guitariste. Il s'appelle Olivier Chimanga. Il vient de la République démocratique du Congo. Il y a dans son répertoire de la rumba congolaise, mais aussi un travail très personnel. Il nous rejoint en solo pour une session acoustique. Il sera même accompagné de quelques musiciens aussi. À tout à l'heure. Le monde est un village. De 20h à 21h sur la première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. La première et la trois présentent une bande d'amis, la trentaine, vont pique-niquer en forêt. Ils passent la nuit à la belle étoile. Quand l'incendie éclate, tout bascule. Une œuvre saisissante, une poésie d'une beauté inouïe. Tristesse, animal noir, une création incendiaire de Georges Ligny. Du 6 au 15 octobre, au Théâtre Jean Villard. Avec la Libre Belgique, l'avenir est TVcom. Pardon monsieur, je cherche la gare. Oh, mais c'est tout simple. Vous voyez la rue du Commerce Équitable ? Oui. Bon, vous la suivez et après 100 mètres, vous prenez le boulevard du Juste Salaire. Ah, du Juste Salaire, oui. Et ensuite, vous tournez à gauche sur l'avenue du Respect de l'Agriculteur. Ah ben c'est pas si loin ça finalement, merci. Vous en prie. D'ici 2020, faites de la Belgique le pays du commerce équitable. Et pour commencer, participez à la semaine du commerce équitable du 5 au 15 octobre. Semaine du commerce équitable.be, une initiative de la coopération belge au développement. Avec la première. Tritop Asset Management présente les pourquoi. Pourquoi choisir Tritop pour investir dans la bourse mondiale ? Tout d'abord, parce que vous le faites avec des experts reconnus et sans intermédiaire.